est comme de la fumée là-bas, comme quelque chose qu'on n'aimerait pas. Et comme de la fumée là-bas, puis qui vient un peu beaucoup, un peu parmi nous, un peu, même par ici, même par là, même par, même beaucoup de partout, même par ici, par là, on ne voit plus rien. Oh, y a comme de la fumée là-bas, comme quelque chose qu'on n'aimerait pas, mais qui vient un peu beaucoup, même pas là, même là, partout, un peu beaucoup.